autant te dire, elle laisse du massif. Hostile à tout style de pute, bien trop passif. Réaction explosive, ascenseur exposé. Contre le nom de fuck dans mon exposé. J'expose la notion d'une grande et sombre osmose. Qu'à la cause, une soif de liberté qui nous donnerait la cirrhose. Des over qu'on t'oppose, qu'à l'anarchie ma seule dose. Seul maître de la route à suivre, et les épreuves qui sans nul doute vont nous poursuivre. Je mets la rancœur dans un recueil de pensées libres, car dans mon cœur la liberté se joue bien de vos calibres. Libre, artiste, révolutionnaire, tortionnaire de ces millionnaires. Que j'accuse dans l'air, ça n'a l'air, l'air d'or, y'a mes personnes peut nous faire taire. On est libre, libre comme rouge et noir, sont libertaires. Ok, sous l'unité, pour ceux qui savent, ils vont soutenir à une communication. Para los hermanos que saben donde van. Sous l'unité, pour ceux qui savent, vont soutenir à une communication. Para los hermanos que saben. Sous l'unité, sous l'unité. Fuck ça. Sous l'unité, sous l'unité. Pour ceux qui disent que c'est taré. Sous l'unité, fuck ça. Pour ceux qui disent que c'est taré, c'est sous l'unité. Sous l'unité, sous l'unité. Jamais je ne comprendrai monsieur tout le monde l'ami. Si formaté dans sa routine quotidienne sa vie se résume à aller bosser 42 années pour une retraite non assurée. Rajoute à cela une trentaine d'années de crédit immobilier. La belle caisse, les images subliminales à la télé. Et ça y est, le voilà aliéné à la société. Et esclave de cette dernière. On aimerait que je devienne monsieur tout le monde. Mais non c'est mort l'ami. C'est ma première et dernière vie. Et c'est mon rêve que je poursuis. L'évolution mentale et musicale. Je suis seul maître de mon destin. Mes trois boulots de dos, je l'ai fait, j'y ai pensé. Pour mes rêves, j'ai refusé. Ok, sous l'unité. Pour ceux qui savent, ils vont soutenir à une communication. Para los hermanos que saben donde van. Sous l'unité. Pour ceux qui savent, ils vont soutenir à une communication. Para los hermanos que saben. Sous l'unité. Pour ceux qui disent que c'est taré, soucherie unité, fuck ça. Pour ceux qui disent que c'est taré, c'est soucherie unité, soucherie unité, soucherie unité. Normal, normal que je me plais dans la normalité. Au secours, je passe mon tour car il faut suivre la fatalité. Car ancré, inculqué depuis la natalité. Qu'il faut taffer pour bouffer et suivre les schémas imposés. Ou alors je préfère poser pour dénoncer. Écrire des textes pour exposer le fait qu'il n'y a que toi qui vois. Si tu veux suivre cette voie, sache qu'il n'existe pas que ça. Oui, il n'existe pas que ça. Bah ouais, j'suis jamais content. Mais comment l'être quand tu t'es mal à la vie des gens. Tu taffes 10 heures par jour pour entreposer le week-end, mec. Fêter ton année, c'est ta sortie annuelle. Pour vivre ta vie, on dirait qu'il y a un manuel. Même si j'suis trash, bah j'préfère ma vie à la tienne. Ok, sous l'unité. Pour ceux qui savent, ils vont soutenir à une communication. Para los hermanos que saben donde van. Sous l'unité. Pour ceux qui savent, ils vont. Para los hermanos quien saben. Sous l'unité. Sous l'unité. Sous l'unité. Sous l'unité. Pour ceux qui disent que c'est taré. Sous l'unité. Fuck ça. Pour ceux qui disent que c'est taré. C'est sous l'unité. Sous l'unité. Sous l'unité.